Chapitre 4. La pluie avait cessé, quelques nuages planaient dans les étoiles. Henri Duchemin avait envie de courir, mais pour ne pas éveiller l'attention, il ne fit que marcher vite. À tout moment, il tâtait sa poche intérieure que le portefeuille épais avait décousu. Il se redressa, qui aurait deviné à le voir qu'il portait là sur son cœur une fortune? Qui eût cru que cet homme, pauvrement vêtu, était maintenant un rentier? Les becs de gaz traçaient deux pointillés à la hauteur du premier étage. Leur clarté était plus nette dans l'air glacial. Bercé par la cadence de son pas, Henri Duchemin évoquait les femmes assises sur les billets de banque, tout en faisant des tours sur des tours afin que les policiers perdissent sa trace. En passant devant un café, il perçut la musique perlée, mi-ferraille, mi-cristal, d'un piano mécanique. Des femmes riaient, sans doute pour rien. Avant d'entrer, il essaya de regarder par-dessus un rideau ce qui se passait à l'intérieur, mais il était trop petit. Il entra, s'assit vite, et attendit que l'attention qu'il avait provoquée se fût lassée. Trois femmes occupaient une banquette de velours. Henri Duchemin les regarda avec convoitise, se demandant laquelle d'entre elles lui plaisait le plus. Et bien qu'il se fût décidé d'être un autre homme, il n'osa les inviter à sa table. Mais sans qu'il eût besoin de faire un geste, l'une d'elles vint s'asseoir à son côté. Son collier de perles légères la serrait trop. Elle avait cette peau blanche, hostile, des femmes qui ne rougissent jamais. Henri Duchemin posa sa main sur les genoux de la jeune femme et sentit sous ses doigts le bouton de la jarretière. Il voulut chanter, rire, crier, mais il n'osait pas le faire. Pourtant, petit à petit, il finit par se trouver à l'aise. Personne ne se moquait de lui. Les clients allaient jusqu'à sympathiser avec lui, puisque, un à un, le verre à la main, il venait à sa table. « de la musique » cria-t-il. Bien qu'il remarquât qu'il élevait le ton, cela ne le gênait plus. La bonne glissa deux sous français dans la fente du piano. « Si on fait un poker !» proposa un jeune homme qui s'amusait à battre des cartes. « Bravo !» s'écria Henri Duchemin. On étala un tapis rouge, on épongea le milieu d'une ardoise, on coupa de la main droite et la partie commença. Elle ne dura pas longtemps. Bien qu'il ne sût pas jouer, Henri Duchemin gagnait sans arrêt. Ses partenaires, à bout de ressources, durent s'arrêter. Ils étaient mécontents et conversaient à voix basse. Leur mauvaise humeur contraria Henri Duchemin. Il ne s'expliquait pas comment il avait pu gagner, lui qui n'avait jamais eu de chance. Aussi, dans la crainte de s'aliéner ses amis, leur rendit-il tout à coup l'argent qu'il venait de leur prendre. Stupéfaits, ceux-ci se turent. Puis, remis, ils le remercièrent en termes exagérés. De leur existence, ils n'avaient connu un homme si généreux. C'était un vrai ami, lui. Que le monde entier ne suivait-il son exemple? Henri Duchemin exultait à la pensée de posséder tant d'amis. « Soyons des frères, dit-il, les yeux levés au ciel. » Bien qu'il ne pleurât pas, des larmes coulaient sur ses joues. Il regarda sa voisine. « Que je suis heureux, que la vie est belle. Ton nom, mon enfant ?» Ne recevant pas de réponse, il continua. « Laisse-moi t'embrasser. Ah, si tu acceptais, on se marierait. J'ai de l'argent. Je t'achèterai tout ce que tu voudras. Je te sauverai de ce bouge. Tu es trop pur pour vivre ici. Nous nous aimerons. » Il s'interrompit, car il avait remarqué qu'à cause des rires, on ne l'entendait plus. « Allons, taisez-vous, qu'il parle, » dit un client, qui, de peur qu'on ne crût qu'il parlât sérieusement, clignait de l'œil. « Si vous le voulez, mes amis, on ne se quittera plus. L'amour nous unira jusqu'à la mort. J'ai de l'argent. Pourquoi en posséderais-je plus que vous? Partageons, partageons !» Cette fois, ce fut du délire. Tous l'acclamaient, sauf sa voisine qui le pinçait sous la table. « Pourquoi donc se haïr? Aimons-nous, montrons la route, nous qui sommes des frères !» Il se leva au milieu des acclamations. Il pensa une seconde jeter son portefeuille à ses admirateurs. Mais quelque chose en lui l'en empêcha. Il se contenta de jeter une poignée de billets. « Prenez mes amis, mes vrais amis, c'est pour vous. Ne sommes-nous pas tous des frères? Et toi, ma chérie, sois gaie comme les autres. Je t'aime, la vie est belle. » « Partons, dit-elle. « Où ? Chez moi. » À ce moment, des huées retentirent. « Mais non, laissez-le avec nous. Il nous amuse. Elle veut l'argent. » Pendant que tout le monde parlait en même temps, Henri Duchemin commençait à comprendre qu'on ne l'aimait pas. La laideur de la vie lui apparut. Jusqu'à maintenant, tant qu'on l'avait écouté, il avait vécu dans un rêve. À présent, tout était fini. La tête entre les mains, il gagna la porte. On le supplia de rester. Ce fut inutile. Debout sur le trottoir, il essaya d'entendre au travers de la porte ce qu'on disait de lui. Mais un murmure seulement vint à ses oreilles. Il essuya ses lèvres afin que le froid ne les gerçât pas. Il savait maintenant que les hommes sont ingrats. Qu'ils continuent de l'être. Henri Duchemin n'avait plus à se soucier d'eux. Il pouvait se passer du monde entier puisqu'il était riche. Il marchait depuis une heure lorsque la pensée de revoir la maison neuve où il avait tué le banquier lui vint à l'esprit. Il eut beau se persuader que cela n'était pas utile, la tentation fut trop forte. Espérant s'égarer, il alla, exprès, au hasard, les mains écorchées par les murs, mais malgré lui, chaque pas le rapprochait de cette maison. Soudain, il vit des silhouettes qui couraient dans l'embrasure des fenêtres illuminées d'un immeuble. Il s'approcha, il reconnut la maison neuve. Deux agents, dont l'ombre s'allongeait jusqu'au milieu de la chaussée, causaient sous le porche. Le crime était découvert. Henri Duchemin pensa à se constituer prisonnier. Mais changeant d'avis, il se sauva. Son pardessus déboutonné flottait derrière lui, un coup de vent emporta son chapeau, il s'apprêtait à le ramasser lorsqu'il eut la sensation de ne pas en avoir le temps. Tête nue, il repartit en courant. Des lampes à arc éclairaient le haut du boulevard, les rideaux de fer des magasins descendaient jusqu'au trottoir, contre la devanture obscure des cafés, des chaises de jonc s'enchevêtraient les unes dans les autres. Importuné par la perte de son chapeau, Henri Duchemin n'osait regarder les rares piétons qu'il croisait. Pour la seconde fois, il songea à se rendre, mais la justice l'épouvantait. Il la connaissait, car il s'était déjà aventuré avec M. Leleu à la cour d'assises. La figure congestionnée, il avait poussé à pleines mains les portes rembourrées. Il avait vu des avocats dont les pieds sous la robe semblent si grands. Il avait croisé, non pas de paisibles sergents de ville, mais des gardes municipaux dans ce bleu horizon de la guerre. Non, il ne se rendrait pas. Il valait mieux qu'il conservât sa liberté, car ces gens sans cœur ne comprendraient jamais les raisons du crime. D'ailleurs, personne ne les comprendrait. Certes, il aurait été plus heureux parmi les fous en compagnie de qui il aurait sauté, ri et chanté. Henri Duchemin perçut le roulement d'un fiacre. Ce bruit, dans le silence de la nuit, le terrorisa. Il s'imaginait qu'une voiture cellulaire le suivait et que les petits volets obliques dissimulaient des policiers. Mais le bruit s'éloigna et il se rassura. Comme il n'osait retourner chez lui, ni louer une chambre dans un hôtel à cause du signalement, il entra dans une gare. Dans le hall, triste comme ces lieux qu'abandonne la foule, il n'y avait personne. On apercevait au loin des locomotives froides, une lanterne bougeait à la cadence d'un pain. Henri Duchemin pénétra dans une salle d'attente. Il s'approcha du poêle de tôle qui soufflait à la figure, par des ajours, des bouffées d'air chaud. De temps en temps, son regard rencontrait les yeux fixes d'un voyageur éveillé. La fatigue ferma les yeux d'Henri Duchemin, et comme un cheval, il s'assoupit debout. Sa tête s'inclina. Soudain, des cris retentirent. Ses dents claquèrent. Il eut un frisson. Il regarda la salle. Les clichés d'un journal qui voilait une lampe faisaient des carrés sombres. Des gens se levaient. « Les voyageurs pour la prison, en voiture !» cria un employé. Il était découvert. Épouvanté, il enjamba des paquets, ouvrit une porte qui claqua quand il fut déjà loin et courut droit devant lui. Bientôt il s'arrêta. La rue était déserte. « Que je suis bête !» dit-il. Il voulut revenir sur ses pas et malgré la certitude d'avoir été trompé par son imagination, il n'osa le faire.